Les amis du grain des mots. Des auteurs, des éditeurs, des traducteurs, des lecteurs, des lectrices, des rencontres et des livres, les amis du grain des mots. Les amis du grain des mots, bonjour à vous, vous êtes bien sur Radio Clapas 93.5. Alors nous sommes le 25 octobre, mais vous n'êtes pas le 25 octobre, nous c'est le jour où on enregistre, vous ce sera, je ne sais pas, un petit peu plus tard. Alors, au programme de notre émission, des livres, plein de livres, comme d'habitude, des coups de cœur. De la musique. Et puis, on pourrait dire une nouvelle rubrique, une rubrique jeunesse avec une lectrice, la plus jeune de nos lectrices qui soit à ce jour rentrée dans le studio pour parler de ses lectures. Oui. Nous allons accueillir tout à l'heure et vous allez entendre Martha qui nous parlera d'un de ses livres. Alors, au micro aujourd'hui, Christian Boisson également. Bonjour. Voilà, Guy Lochard. Bonjour. Et puis Martha. Bonjour. Voilà. Et Marco Sorghine au micro en ce moment. Et nous remercions Pierre-Jean pour son indispensable travail dans l'aquarium. Voilà. Alors, nous allons commencer, tout seigneur, tout honneur, par notre invitée, par Martha, qui va nous parler d'une de ses dernières lectures. Alors, de quel livre s'agit-il, Martha ? Bonnes vacances, Mousse, de Claire Lebourg. Alors. Eh oui, alors Bonnes vacances, Mousse, de Claire Lebourg, oui. Alors, dis-nous un peu rapidement, que raconte cette histoire ? C'est un petit enfant. C'est un animal qui est imaginaire et qui fait beaucoup d'aventures. Et moi, j'aime beaucoup ce livre parce que il y a des beaux dessins et puis j'aime bien comment on raconte l'histoire. Un animal imaginaire. Mmh. T'as ni un chien, ni un chat, ni un éléphant. Non. Un animal que tu n'as jamais rencontré. Non. D'accord, voilà. Et donc ça t'a plu cette idée d'animal imaginaire, c'est ça qui est... Oui, j'ai bien aimé. T'as bien aimé ça, voilà. Et tu nous as dit qu'il lui arrive plein d'aventures. Tu peux nous donner un ou deux exemples de ces aventures ? Pas tout, hein, mais juste un ou deux. Bah, en premier, quand il se réveille, il voit qu'il pleut, donc il n'est pas très content. Et puis, il y a aussi, vers le milieu, il rencontre un ami qu'il n'aime pas beaucoup. D'accord. Et cet ami, c'est un autre animal ? Oui, c'est un autre animal, sauf qu'il existe. Et alors, qu'est-ce que c'est comme animal qui existe ? Une grenouille. Ah, c'est une grenouille. Donc, c'est un animal imaginaire qui rencontre une grenouille. Mmh. D'accord. OK, voilà. Bah, écoute. Et cet animal imaginaire, il ressemble à quelque chose un petit peu ? Il fait penser à d'autres animaux pour toi ou pas ? Bah, son museau, il me fait penser un peu aux grandes gueules de crocodile et puis son corps au corps de chat ou de chien. Ah oui, alors ça serait un chien avec une grande gueule de crocodile ou un chat avec... Ah oui. Mais oui. Au début, il n'a pas des aventures particulières. Qu'est-ce qui lui arrive au début ? Bah, au début, il ne trouve plus de copains parce qu'en fait, il y a la tempête. Et donc, quand il arrive dans son salon pour prendre les trésors du jour que la mère apporte souvent, sauf que là, ils n'y sont pas. Donc lui, il se dit « c'est bizarre ». Il va sur la plage, personne. Il soulève une pierre, il y a un bernique dessous qui rencontre souvent et lui demande où sont les autres. Et il dit, ils sont partis en vacances dans le sud et donc lui se dit qu'il va lui aussi partir en vacances. Mais ils sont partis en vacances dans le sud, on va peut-être les rencontrer alors. Non, tu sais pas. Un bernique, tu peux nous dire ce que c'est qu'un bernique ? Peut-être que tout le monde ne le sait pas. Moi, je ne le sais pas. Eh ben, un bernique, c'est un peu comme un escargot de mer, c'est de la même famille, sauf que sa vie, c'est pas la, le même, et puis ça vit sous les rochers, et à côté des rochers, et dans l'eau. Il y a du texte et de l'image. Qu'est-ce qui, le texte, tu peux nous en parler un peu? Est-ce qu'il est difficile? Est-ce qu'on le lit, on le comprend facilement à ton âge, à 6 ans? À 6 ans, il y a des mots qu'on ne comprend pas, mais il y a des mots qu'on peut comprendre. Il y a des mots qui sont durs, donc il faut quand même qu'il y ait un parent ou quelqu'un qui puisse te répondre à l'enfant qu'est-ce que ça veut dire, ce mot. D'accord. Ça, c'est voilà, important. Donc, vous avez ça. Même oui. Un conseil de lecture pour les parents. Mais je te rassure, tu sais, Martha, moi je vais bientôt avoir 60 ans, mais il y a des fois des livres, il y a des mots que je ne comprends pas. Et puis tu as entendu des livres que je lis. Bernie qui ne connaissait pas. Hein, voilà. Ouais, un peu. Alors, tu nous redonnes le titre, pardon. Voilà, Marc. Le titre et l'auteur. Et l'auteur, s'il te plaît, Martha. Bonnes vacances, Mousse, et de Claire Lebourg. Et tu nous as dit qu'il y avait un autre livre. Oui, un autre livre. Que tu as lu aussi. Oui, voilà. Que j'ai aussi, c'est de la même édition et puis de la même collection, c'est Une journée avec Mousse. Une journée avec Mousse. Alors, on va préciser l'éditeur, c'est quelle édition c'est? C'est Mouche de l'école de loisirs. Collection Mouche à l'école des loisirs, célèbre éditeur jeunesse. Merci beaucoup, Martha. C'était notre premier conseil de lecture. Merci, Martha. Voilà. Alors, maintenant... Pour dire peut-être oui, avant Marc... Ce que Martha vient de nous dire à propos du livre qu'elle a lu, nous souhaiterions que d'autres enfants viennent dans notre émission pour Absolument. Nous parler de leur lecture. On inaugure quelque chose, là. Voilà. Hein? Voilà. Donc c'est important. Absolument. C'est un, je pense qu'on peut... Et c'est un appel même aux auditeurs. Ce serait bien volontiers que nous les recevrions. Tout à fait, tout à fait. Alors, si je puis dire, maintenant, on va demander son conseil de lecture au papy de Martha. on dévoile tout. Donc Guy, tu vas nous parler de Jean-Marie Blas de Robles, qui est venu il y a quelque temps à la librairie, et tu vas nous parler donc d'un de ses ouvrages. Oui, donc un de ses ouvrages paru récemment donc chez Zulma, et dont le titre est « Dans l'épaisseur de la chair ». Alors, voilà, donc Jean-Marie Blas de Robles est un auteur déjà éprouvé, hein, qui compte à son actif des romans, des essais, de la poésie également, et que j'ai découvert à l'occasion de sa venue à la librairie Le Grain des Mots, hein, et en lisant donc cet ouvrage qui m'a conquis, que j'ai dévoré, comme on dit. Alors, ce livre, je dirais qu'il est difficile à qualifier, à le faire... rentrer dans un genre bien particulier. Il tient du roman historique, hein, en ce sens qu'à travers quatre générations, il nous fait vivre ce qu'a été l'Algérie coloniale, en gros de la moitié du 19e jusqu'à la guerre des années 50-60. Il le fait de façon extrêmement, je dirais, documentée. Hein, on découvre effectivement ce qu'ont été les conditions de la conquête, les conditions d'installation hein, des colombes et bien évidemment d'un certain nombre d'ouvriers espagnols que la République française a invités à venir peupler cette nouvelle conquête. Donc je dis roman historique, mais je dirais presque plutôt roman socio-historique, en ce sens qu'il nous fait pénétrer au sein vraiment de la société, cette société coloniale, qui est très stratifié. Au sommet, c'est les colons, les grands propriétaires, puis différents groupes ethniques, pour utiliser un terme un peu courant, effectivement, ces Espagnols, dont je parle, des Italiens, et également des Juifs installés depuis plusieurs siècles, hein, depuis qu'ils ont été chassés donc, de l'Espagne. Et il y a une petite bourgeoisie qui se constitue également. Plus une petite bourgeoisie de fonctionnaires qui se constitue. Et donc, il nous fait vivre cette vie qui est faite à la fois de cohabitation pacifique. On a l'impression que toutes ces communautés se mêlent, vivent harmonieusement, mais qui est également parcourue régulièrement par des accès de violence. On relate par exemple un pogrom hein, de juifs, et ça, c'est, j'avoue que... Un antisémitisme virulent. Un antisémitisme virulent chez des personnes qui, par ailleurs, ont pour amis des juifs. C'est ça, tout le paradoxe de cette société. Il y a par exemple, lorsque le père du narrateur veut se marier, qui est d'origine espagnole, Blas de Robles, effectivement c'est assez significatif, veut se marier à une Italienne, il n'en est pas question pour la mère, pour qui ce mariage constituerait une forme de mésalliance. Alors, Les grands absents, on pourrait dire, ce sont bon, ce qu'on appelle les indigènes qui vivent dans un village nègre à la périphérie de la ville Sidi Bel Abbès, où se situe l'action principale. Et dans ces personnages, on va les suivre jusqu'à la guerre, et jusqu'à l'exil, et jusqu'à leur venue en France, et leur difficile insertion dans la société française, qui les accueille, disons, de façon pas très accueillante. Donc, je disais roman historique, roman socio-historique, mais c'est aussi un portrait et un récit d'introspection. Portrait en ce sens que c'est le narrateur qui raconte la vie de son père. Son père qui est un héros de guerre, puisqu'il participe à la libération de l'Europe, de l'emprise nazie. Il est dans ses troupes coloniales, parti d'Algérie, et qui vont à travers l'Italie, puis l'Allemagne, reconquérir l'Europe. Donc un père avec qui il entretient des relations complexes. Je dis, c'est un héros, un personnage extrêmement positif, mais aussi un personnage dont il découvre progressivement les failles. Notamment, il y a deux scènes très significatives où il se rend compte, son père lui a avoué qu'il a assisté passivement à un viol de sœur en Italie. Il a assisté également passivement, avec une certaine indifférence, même au massacre de Sétif. Donc, un personnage, disons, assez contradictoire que dont nous parle le narrateur, qui, de par des circonstances que je ne vais pas relater, est amené lui-même à faire un récit d'introspection, à s'interroger sur, je vais employer le terme, sur son identité. D'autant que son père, à un moment, lui assène « Tu n'es pas un vrai pied noir ». Et cela a conduit à une interrogation chez le narrateur, à une interrogation sur qu'est-ce que c'est qu'un vrai pied noir, qu'est-ce que c'est qu'un pied noir, effectivement. Et en quoi peut-il être vrai ? Et en quoi il peut-il être vrai ? Hein ? Et donc, un narrateur dont on découvre, et si son père lui a fait cette remarque, c'est très significatif, qu'il ne refuse ce qu'on pourrait appeler cette affectation, cette assignation identitaire. Alors je dirais que c'est ça aussi la force, l'intérêt de l'ouvrage, qu'il invite le lecteur, il le fait de manière très, je veux dire, très implicite, il n'y a pas de théorisation, ce n'est pas un essai, c'est un roman, c'est de la narration, je le redis, très, très lisible par ailleurs. Il est conduit effectivement à, il invite le lecteur à s'interroger sur qui suis-je ? Suis-je un Occitan, suis-je un Breton, suis-je un Français, effectivement. Et donc cet ouvrage est particulièrement opportun aujourd'hui. Il y a une universalité du questionnement, c'est évident. Entré à l'hosto Saint-Jacques pour voir mademoiselle étendue sur une longue table blanche, si douce, si froide, si belle. Si elle part, si elle part, tu la gardes dans le monde où elle elle peut chercher, jamais elle trouvera un bonhomme aussi chouette que moi. Je vais parler au Toubi, il me dit faut prévoir le pire. Je retourne vers ma petite amie, grand Dieu, elle vient de mourir. Je me retrouve sur le boulevard, je rentre au café tabac, je m'installe au comptoir comme tous les soirs, comme tous les soirs, le même monde est là. Le blues de l'hosto Saint-Jacques, plus connu sous le titre de Saint James Infirmary. Bah c'est Steve Waring. Alors, et puis comme on va donner aujourd'hui musicalement dans plein de nouveautés, vous allez voir, il y avait une deuxième voix. Vous avez identifié la deuxième voix qui chantait avec Steve Waring ? C'est pas un tout jeune Graham Wright. Ah, Graham Wright. Okay. Voilà, donc c'était Steve Waring, Graham Allwright, le blues de l'Hosto Saint-Jacques, et vous êtes toujours sur Radio Clapas 93.5 avec les amis du Grain des Mots qui vous parlent de livres. Et maintenant, c'est Christian qui va nous parler d'un livre de Linda Lay, Chercheur d'ombre. Oui. Chez Bourgois. Exactement. Dans Linda Lay, qui est un auteur. Alors moi, je vais m'éviter le mot à la mode, hein. C'est pas autrice. Bon, c'est un auteur, Linda Lay, que je lis depuis pas mal de temps maintenant, que je suis un peu, comme on le dit couramment. Et là, c'est un livre, ce n'est pas un roman, ce n'est pas de la fiction. Ce sont des essais brefs et qui nous donnent le panorama à peu près exhaustif, mais ce n'est pas la première fois qu'elle se livre à ce type d'exercice. Le panorama, je disais, donc, des auteurs de prédilection de Linda Lay. Voilà. Et ça s'intitule « Chercheur d'ombre ». Ce titre, il faut le retenir, il faut retenir les deux termes, effectivement. Ça implique une recherche et en direction d'un monde très différent de notre quotidien qui s'éloigne le plus possible de la contingence. Si je cite ne serait-ce que Antonin Artaud, qui est peut-être le plus connu de ceux qu'elle évoque, je pense que tout le monde comprendra globalement de quoi il s'agit. Alors Linda Lay est un auteur qui... Une auteure qui, depuis longtemps, travaille, je précise, avant de l'oublier de vous le dire, elle est d'origine vietnamienne, mais Linda Lay n'écrit qu'en français. Donc, et elle dit bien que si identité, puisque Guy nous parlait à juste titre tout à l'heure d'une sorte de recherche d'identité dans le roman de Blas de Robles, l'identité de Linda Lay, elle le dit, elle l'a dit souvent, elle l'a dit en public également, nous avons eu l'occasion de l'entendre à la Comédie du Livre il y a quelque temps, son identité, c'est la langue. C'est ce qui l'a construit et c'est ce qui lui donne sens et c'est ce à quoi elle travaille à donner sens à son tour. Il y a une espèce de renvoi comme ça, de reconnaissance vis-à-vis de la langue. Donc bon, les auteurs dont nous parle Linda Lay, je vais vous en citer deux ou trois. J'ai évoqué effectivement Antonin Artaud. On peut aussi dans le sillage d'Artaud, on peut parler de quelqu'un d'un peu moins connu mais qui s'appelait Jacques Prével. Jacques Prével était un poète ce n'est pas une image qui a vraiment brûlé sa vie. C'était quelqu'un qui, entre autres, était fou du personnage Artaud. Il écrivait lui aussi, il était peu reconnu à l'époque, et Artaud, il faut bien le dire, moi je le pense comme ça, s'est quelque peu servi de cette admiration de Prével pour lui, et Prével lui fournissait les différentes substances qui permettaient à Artaud de survivre. Voilà. Bon, il y a Jacques Prével. Il n'y a pas que Jacques Prével. Mais je voudrais vous lire quelques mots en introduction. C'est le suivant. En art, il est souvent indispensable d'être plutôt dans le camp des trouveurs de raison qu'il y a à mettre en doute le bien fondé de son entreprise. Il est tout aussi indispensable, certainement, d'appartenir à la communauté de ceux qui cherchent toujours des raisons de faire leur propre procès et de tendre l'oreille pour écouter ce qu'ont à transmettre non les assoiffés de lumière, mais les sentinelles de la nuit. Voilà. Ça, c'est Chercheur d'ombre, Linda Lay, dans cette belle collection de poches chez Bourgois, la collection Titres. Et vous le trouverez bien évidemment à la librairie du Grain des Mots. Et nous allons continuer avec des musiques toutes jeunes. Voilà, écoutez, comme le disait Marc, c'est une nouveauté depuis quelques jours dans les bacs. C'est le premier album du Mahavishnu Orchestra qui s'intitule The Inner Mounting Flame. Bien évidemment, vous avez entendu John McLaughlin qui est à la guitare, Jerry Goodman au violon, Jean-Luc Ponty jouera plus tard avec le Mahavishnu, Ian Hammer au piano, Rick Laird à la basse et Billy Cobham, qui a fait une carrière que tout le monde connaît, à la batterie. Voilà, John McLaughlin pour Down, le deuxième titre de ce bel album que j'avais envie de réentendre et de vous offrir. Voilà, voilà, ben merci. C'était notre séance oldies but goldies, comme disent les Anglais. Hein. C'est vieux, mais c'est de l'or. Ah. Hein. Alors, ben moi, je vais aussi aller, je vais vous parler d'un livre aussi du côté des oldies et goldies en même temps. Pas un Anglais, un Tchèque, un auteur tchèque, Karel Čapek. Alors, c'est, si vous le voyez écrit, vous verrez peut-être écrit Capek, mais il y a un petit accent circonflexe à l'envers sur le premier C, ce qui fait que ça se dit Čapek. Ce sont les lettres d'Angleterre dont je vais vous parler, qui viennent d'être publiées à la Baconnière. Karel Čapek, bah, c'est un auteur tchèque du début du siècle, donc ça, c'est une correspondance qu'il a tenue alors qu'il était invité à une exposition universelle qui se tenait à Londres, à côté de Londres. Et il ramène des souvenirs, il fait le voyage là-bas en 1924, et il ramène des souvenirs, des notes. Alors, on retrouve un petit peu quelque chose du livre dont nous parlait Martha, parce que Karel Čapek aime beaucoup dessiner. Donc, ces livres sont accompagnés d'illustrations, toujours. Alors, vous avez peut-être entendu parler de Čapek pour son grand roman qui s'appelle La guerre des salamandres, par exemple, qui est quelque chose de connu. Puis il y en a un autre un peu moins connu qui s'appelle La fabrique d'absolu. Bon, on trouve plusieurs livres de lui publiés. C'est un auteur qui a beaucoup d'humour et qui, en même temps, a une très grande clairvoyance. Et là, il nous raconte, par exemple, des choses sur Londres en 1924. Et on se dit que le bonhomme a déjà tout compris de ce qui allait arriver, ce qu'allait devenir notre société. Je vous lis juste deux petits extraits, hein, je ne vais pas être trop long. Voilà, il raconte à propos de l'exposition qu'il visite. Alors, c'est du vocabulaire de 1924, ne soyez pas choqués par certains termes. Il n'y a plus d'art humain indigène. Le nègre du Bénin sculpte dans des défenses d'éléphants des statuettes qui semblent sortir de l'Académie de Munich. Et si vous lui donnez un morceau de bois, il vous en fera un fauteuil pour club. Eh oui, mon Dieu, il a évidemment cessé d'être un sauvage et il est devenu quoi ? Un salarié de l'industrie civilisée. Il y a dans l'Empire britannique 400 millions d'hommes de couleur. À l'exposition de l'Empire britannique, on ne voit d'eux que quelques pantins de publicité, une poignée de boutiquiers noirs ou jaunes et quelques vieux souvenirs apportés ici en quelque sorte à titre de choses curieuses et amusantes. Je ne sais pas s'il y a là une terrible échéance de races de couleur ou le terrible silence de 400 millions d'hommes. Je ne sais pas non plus de ceci et de cela ce qui serait le plus effrayant. Une exposition de l'Empire britannique est immense et surabondante. On y voit tout, même un lion empaillé et les mous disparus. Il n'y manque que l'esprit de 400 millions d'hommes. C'est une exposition du commerce britannique. C'est la projection de cette mince couche d'intérêts européens qui a recouvert le monde entier sans guère s'occuper de ce qu'il y avait en dessous. Voilà, puis un petit peu plus loin, il y a là tout ce qui peut être monnayé, vendu et acheté, de la poignée de grain au wagon salon, du morceau de charbon à la fourrure de renard bleu. Mon âme, que voudrais-tu acheter de ces trésors du monde ? Rien, rien, vraiment. Je voudrais être toute petite et me retrouver dans la boutique du vieux Proussa à Oupitché. Voilà, donc, il nous dit, c'est, il y a de tout, mais il n'y a pas d'humain. L'humain a disparu derrière la marchandise. Voilà, ça c'est une des réflexions de Karel Čapek l'occasion de cette visite en Angleterre. Il passera aussi en Écosse. Oui. Vas-y Marc. On y entend, c'est un peu le hasard qui le veut, mais on y entend quand même des échos des époques coloniales. Tout à fait. Guy nous en parlait avec Jean-Marie Blas de Robles, et là, c'était très évident. Alors, il parle du colonialisme, mais il parle aussi de... Il y a des passages où il parle de... Il est allé en Écosse, il parle de la ville de Glasgow et de ces rues où il y a, vous savez, ce qu'on appelait comme les corons dans le nord de la France, toutes les maisons sont exactement pareilles, puis il y a la rue avec les maisons à trois marches devant l'entrée, puis il y a la rue avec les maisons avec une grille devant un petit jardin, une grille, puis il y a la rue avec les... où toutes les maisons sont pareilles, normalisées, et où l'humain ne vaut plus rien, quoi. On l'oublie, il est rejeté, il est traité en masse, voilà. Et je crois qu'il y a quelque chose de très visionnaire chez Čapek, on le voit quand il écrit La guerre des salamandres, il est aussi dans cette dimension-là. Un visionnaire à retrouver, il écrit dans les années 20, début du siècle, mais qui a déjà compris, qui nous annonce déjà ce que va être notre société. Tu nous redonnes le titre et l'éditeur, voilà, s'il te plaît. Donc, Lettres d'Angleterre, de Karel Čapek, aux éditions La Baconnière, dans une collection dirigée par Ibolia Virag, qui est une grande dame qui fait connaître la littérature d'Europe centrale en France. Voilà, Lettres d'Angleterre, Karel Čapek, La Baconnière. Maintenant, on va... Bah, peut-être que ça se reporte un peu à la même époque. Non, on va pas quitter dans les années 20 ou 30, n'est-ce pas? On va rester dans ce monde-là, urbain aussi. Mais on va aller de l'autre côté de l'Atlantique pour aller explorer les rapports entre les musiciens de jazz et le milieu, ce qu'on appellerait chez nous le milieu. Tout à fait. Et d'une certaine façon, là aussi, en sous-texte, on y retrouve les effets du colonialisme, on y retrouve les effets de la traite des Noirs, et voilà, nous y sommes. Alors c'est un livre assez atypique, me semble-t-il, de Ronald L. Morris, qui a enseigné l'histoire sociale dans des universités anglaises et américaines, qui a écrit sur le roman noir, et qui a, en tant que musicien, pratiqué le jazz. Voilà. Alors le titre... Le jazz et les gangsters, 1880-1940. Et ce livre, indépendamment de l'aspect documentaire qui n'est jamais négligeable pour qui s'intéresse à tant soit peu à l'histoire tout à fait passionnante de cette musique, c'est un livre qui bouscule, je dirais, certaines représentations un petit peu stéréotypées. Et... il nous montre très clairement, c'est argumenté, c'est un livre sérieux, je veux dire, c'est pas du tout l'objet d'une fantaisie, hein. C'est un livre sérieux. Quand je dis sérieux, entendons-nous bien, il est parfaitement lisible pour autant, hein. Et il nous montre, l'auteur, Ronald L. Morris, nous montre très clairement que, eh bien, ce sont les gangsters de l'époque, je répète, nous sommes dans les années 20, dans les grandes villes nord-américaines, ce sont les gangsters qui ont permis la diffusion d'une musique que dans ce studio et dans cette radio Clapas nous aimons, qui est le jazz. Je vais vous lire un passage bref, hein. Il y a deux courts passages qui sont à mon avis assez parlants. Pour les jazzmen, les possibilités d'emploi étaient inouïes. Lyle, qui était un journaliste, estime à 12 000 le nombre de boîtes de nuit crachant leur musique sur le trottoir dans le secteur de Chicago en 1922. Et ce chiffre devait doubler dans les 4 années suivantes. Les musiciens gardent de cette époque d'agréables souvenirs. Le trompettiste Rex Stewart se rappelle que, durant les années 20, les musiciens se la coulaient si douce qu'on pouvait se faire virer à 11 heures du soir, se retrouver à minuit en train de jouer dans un autre orchestre. C'était une époque où, selon le pianiste de Kansas City, Paul Baker, il suffisait de deux musiciens pour attirer une foule. Homer Simeon, clarinettiste de Freddie Keppard, soupire « Ça, c'était le bon temps ». Duke Ellington brosse une image pittoresque des effets d'une telle demande sur le jazzman moyen. Les assommoirs, donc c'est Duke Ellington qui parle, hein, les assommoirs des gangsters étaient tout le temps ouverts. Et il n'existait pas de règlement restrictif en matière d'heures de fermeture. Personne n'allait se coucher, et vers 3-4 heures du matin, on pouvait voir des tas de musiciens qui faisaient le tour des boîtes avec leurs instruments. C'est-à-dire que ce milieu, comme tu le disais, Marc, ce milieu de gangsters, ce milieu de la prostitution, ce milieu du deal. C'est un milieu qui ne pratiquait pas l'ostracisme racial. Et donc, les musiciens des années 20 ont fait florès du fait des capacités d'accueil, d'empathie et de financement qui étaient accordées à cette musique, à savoir le jazz, à cette époque-là. Un dernier mot. Pour un gangster qui avait la classe, la possession d'un club de jazz pouvait se comparer à celle d'une automobile de grand luxe. Et la satisfaction que cela procurait justifiait amplement l'investissement. Mais le tout venant des gangsters devenus patrons de boîte voyaient cet investissement comme une affaire commerciale. De toute façon, avec tant d'argent, de méfiance et de belligérance, flottant autour d'une activité illicite, les patrons les plus solides et les plus avisés comprirent vite qu'il fallait définir des critères éthiques afin de réduire la mauvaise réputation du milieu. Voilà comment le jazz, d'une certaine façon, a servi, je vais forcer le trait à dessein, c'est un peu provocateur, a servi à blanchir éthiquement les gangsters des grandes villes nord-américaines dans les années 20. Alors, et puis c'est intéressant, parce que je me disais en t'écoutant, tiens, c'est une explication que j'ai pas souvent entendue sur, ça peut expliquer le succès des big bands dans les années 30, 40, et puis qui vont chuter après, parce que plus personne ne peut payer un orchestre aussi important. Donc on voit les petites formations apparaître, beaucoup plus. Et du coup, c'est bien de l'histoire de la musique qu'il s'agit. Mais Ronald Morris dit même que, effectivement, tu as raison d'aller sur ce chemin-là, parce que cette musique va péricliter peu à peu. Mais pourquoi? Parce que la chasse aux gangs sera de plus en plus efficace, donc la manne financière de plus en plus réduite. C'est vraiment un livre que je trouve original parce que, en tout cas pour ce qui me concerne, j'avais jamais approché cette question de cette façon-là. Et c'est un livre paradoxal que je vous recommande de lire. Donc, le jazz et les gangsters, c'est aux éditions Le Passage. We'll be right back. saxophone volcanique éruptif de Stefano Di Battista, Elville Jones, excusez du peu, à la batterie, Jackie Terrasson au piano, Rosario Bonaccorso à la basse, et de temps en temps, sur ce beau disque, à la trompette, Flavio Boltro. Une musique offerte par les amis du Grand Nemo sur Radio Clapas 93.5. Absolument, absolument, tiré d'un bel album que nous vous recommandons, édité chez Blue Note. Mais avant de poursuivre dans notre exploration de nos lectures diverses, Martha me confiait pendant la musique qu'elle avait bien écouté ce que Marc nous disait du livre qu'il a présenté et qui est « Lettres d'Angleterre » de Karel Čapek, et elle avait un commentaire à faire. Nous t'écoutons, Martha. Eh bien, c'est quand on écoute, quand on lit ça, on pourrait imaginer comment c'était la vie à Londres dans l'ancien temps. Tout à fait, tout à fait. Il nous raconte des choses très précises et c'est pas très très gai d'ailleurs, ça fait un petit peu peur. Lui-même, quand il raconte l'auteur, il est un peu effrayé par la circulation à Londres. Il connaît pas ça dans son pays, il vient d'un pays qui était beaucoup plus calme à l'époque. Alors nous restons toujours dans le domaine du livre et de la lecture, bien évidemment, sur Radio Clapas 93.5. Je vais vous dire deux mots très rapidement, des intégrales de la baignoire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose-là, les intégrales de la baignoire? D'abord, la baignoire, eh ben, c'est un lieu de théâtre à Montpellier, voilà, rue Bruès. La baignoire. Pourquoi la baignoire? C'est parce que, tout simplement, à cet endroit, il se trouvait, à l'origine, une baignoire, je me souviens l'avoir vue. Elle était bel et bien là, voilà. Donc le nom est resté. Et les intégrales? Eh bien, les intégrales, c'est quelque chose de fort intéressant et fort sympathique, comme une parenthèse comme ça dans le temps, dans la semaine. À l'heure du déjeuner, Hélène de Bissy, qui est une comédienne, une des animatrices, une des fondatrices de la baignoire, nous fait découvrir des nouvelles d'auteurs exclusivement féminins. Il y a un parti pris là qui est tout à fait agréable, hein, d'auteurs exclusivement féminins, contemporains le plus souvent. Elle lit pendant trois quarts d'heure à peu près une nouvelle, elle la lit entièrement, ce qui fait que vous avez cette parenthèse-là. J'ai oublié de vous dire qu'avant, avant le public présent, l'occasion de prendre son repas, et c'est ma foi toujours fort agréable. Et puis après, c'est Hélène de Bissy qui nous lit une nouvelle. Alors, je vous donne les dates. La dernière, a eu lieu le 23 octobre. Le hasard faisant bien les choses, Hélène de Bissy nous a lu une nouvelle de Lynn Daley, dont nous parlions quasiment à l'instant. La prochaine lecture, ce sera le 18 décembre, mais nous vous rappellerons ces dates. Puis le 12 février, le 9 avril et le 14 mai. Alors vous me direz, le 14 mai, c'est loin. Mais bon, il n'empêche. Nous vous recommandons les intégrales de la baignoire. Si vous souhaitez assister à ces lectures, vous devez impérativement réserver votre place. Voilà. Voilà pour la baignoire. Alors, nous reprenons avec nos piles de livres. Je vais vous parler d'un auteur jamaïcain, comme quoi on va rester un petit peu du côté des colonies, et puis aussi d'une certaine oppression, de misère et de musique, puisque la Jamaïque, si on parle de Jamaïque, j'imagine que pour la plupart de nos auditeurs, enfin c'est en tout cas c'était mon cas il y a peu, j'aurais beaucoup de mal à citer le nom d'un écrivain jamaïcain. Non, mais par contre, c'était le reggae. Par contre, voilà. Des musiciens, voilà. Pas de problème, c'est ouais. Le pays du reggae. Tout à fait. Alors, l'écrivain dont je vais vous parler, il s'appelle Kay Mella, un jeune écrivain jamaïcain qui a 39 ans. Là, il a eu 39 ans, je crois que c'était son anniversaire il y a deux ou trois jours. Et c'est le deuxième roman de lui qui est publié chez Zulma, qui s'appelle... en français, curieusement, By the Rivers of Babylon. Alors, vous me dites comment ça en français? C'est un titre anglais? Oui, mais c'est pas le titre original. C'est pas le titre original, donc c'est un peu étonnant. L'éditeur donne un titre français qui est un titre en anglais. Parce que le titre original, c'est August Town. Alors effectivement, August Town, il y a peu de chances que ça parle à des auditeurs, des lecteurs français, mais Christian a l'air de voir à quoi ça fait allusion. Non, simplement, parce que ça m'y fait penser en t'écoutant. Rivers of Babylon, c'est quand même un titre de reggae. Tout à fait. C'était à fait. Un tube de reggae. C'était un c'est tube peut-être de pas reggae. Innocent au choix du... Non, le choix du titre n'est pas du tout au hasard, mais pas le titre original, parce que Augustin, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est un quartier de Kingston, c'est un quartier très pauvre de Kingston. C'était un village à part avant. Et puis, il s'est passé des choses particulières dans ce quartier. Alors, le récit va commencer avec... tout va être concentré, en fait, sur une journée, mais en même temps, va s'élargir sur depuis les années 20 jusqu'à 1982. Au début, on va avoir ce qu'on appelle, dans la tradition Rastafari, c'est le jour d'un autoclapse qu'on va nous raconter. Alors, autoclapse, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça a à voir avec la question de l'apocalypse. Et c'est une catastrophe, une grande catastrophe qui en annonce peut-être d'autres. Voilà, c'est quand tout va de travers et qu'il y a vraiment quelque chose de dramatique, catastrophique qui se joue, c'est autoclapse dans la tradition Rastafari. Et ça va être le récit d'un autoclapse qui commence par... un enfant qui est dans une école de Kingston, donc plutôt d'August Town, et qui est d'une famille Rasta, donc qui a ses dreadlocks, et l'instituteur va lui couper les dreadlocks. Et ça va être le début du drame. Ça va être un des points du drame. Et on va avoir tout un tas de personnages qui vont graviter autour de cela. On va voir le personnage principal, c'est une grand-mère, Matafi, alors la particularité, Matafi, elle est aveugle. Elle est aveugle, mais pour une chose très bizarre, c'est que dans sa maison, il y avait des rats dans le plafond. Et puis un jour, alors qu'elle était sous sa chaise dessous, les rats, ils étaient tellement nombreux que le plafond s'est effondré. Les rats sont tombés, elle était juste en dessous, et puis des rats l'ont griffée. Et lui ont abîmé les yeux et elle est devenue aveugle. Donc c'est quelque chose de pas franchement gai. Et puis on va voir différents personnages. On va voir la fille de Matafi, qui est la mère aussi du garçon qui est victime de cela. Et puis il va se passer plein de choses. Mais Matafi va raconter à son petit-fils Kia. Elle sent, elle ne voit pas, mais elle sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Elle va lui raconter assez longuement, ça va faire toute une partie du livre, toute une première partie du livre, l'histoire du prêcheur volant. Alors, est-ce que vous avez entendu parler d'histoire du prêcheur volant ? Alors, c'est avant les Rastas, donc c'est un... Oui, vas-y. Non, j'allais dire The Flying Preacher en bon français. Et ça me rappelle aussi un titre, cette affaire-là. Titre de groupe, par contre. C'est possible qu'un groupe ait repris le nom de ce personnage. Oui. Donc, un prédicateur baptiste qui s'appelait Alexander Bedwood, qui prêchait à August Town et puis qui faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de disciples. Et ça ne plaisait pas vraiment au pouvoir en place. Et puis un jour, il a annoncé qu'il allait s'envoler pour le ciel, la nuit du 31 décembre 1920, il partirait dans un chariot de feu pour le ciel et peut-être pour l'Afrique. Voilà, c'était d'où cette prédication. Alors, l'histoire officielle nous dit qu'il est allé nulle part, s'il est allé à l'hôpital psychiatrique le plus proche. Et puis la légende que raconte Matafi, bien sûr, le prédicateur volant, le prêcheur volant, et bien aller au ciel. Et on va avoir toute cette histoire qui est en fait une histoire, sur la base de ce récit, qui est une histoire de résistance, où il s'agit pour les... Matafi dit toujours, il faut que sa fille, son petit-fils, ait une colonne vertébrale pour se tenir. Et bien sûr, ça fait aussitôt penser à un titre célèbre de Bob Marley, qui disait « Stand up ». Et voilà, c'est le stand-up de Bob Marley qui est « Soyez dressés, dressez-vous pour résister ». En même temps, c'est un livre un petit peu pessimiste, vous découvrirez si vous le lisez, parce que plein de bonne volonté, ça ne suffit pas toujours. Guy, oui, tu voulais réagir ? Non, voulais réagir ta première remarque sur la rareté, du moins la faible notoriété des auteurs jamaïcains en France. Je suis bien en peine, comme toi, d'en citer un. Par contre, j'aimerais signaler l'ouvrage de Russell Banks. Hein, Russell Banks, qui a sorti cet été, a voyagé, un ouvrage passionnant, à Actes Sud, et qui a écrit un livre culte pour les amateurs de la Jamaïque, je crois pour les Rastas notamment, qui s'appelle « Le livre de la Jamaïque », qui nous plonge dans les sociétés, qui appellent les sociétés marrons. Hein, c'est en Jamaïque qu'ont eu les premières révoltes d'esclaves, qui ont même obtenu de la couronne d'Angleterre une sorte d'autonomie, qui subsiste encore aujourd'hui de manière plus ou moins formelle. Et donc, Russell Banks, qui a vécu très très longtemps là-dedans, nous plonge dans cette société. C'est vraiment, pour les amateurs de la Jamaïque, même si l'auteur n'est pas jamaïcain, un ouvrage de référence. Oui, c'est devenu quelque chose d'important dans la littérature jamaïcaine, enfin dans le rapport à la littérature de la Jamaïque. Voilà. Mais il n'est pas jamaïcain. Donc c'était merci Guy, effectivement, de nous rappeler le livre de Russell Banks. Ça nous faut une lecture de plus, hein, de toute façon. Donc Marc, c'était un livre de Kay Miller, By the Rivers of Babylon, chez Zulma. Zulma, qui est un éditeur que nous aimons beaucoup, préciser au grain des mots. La traductrice, je cherche le nom de la traductrice. J'oublie tout le temps le traducteur. Martha va nous dire quelque chose. Oui, Martha. Alors. Eh bien, sur le nom de ce livre, on voit un petit peu de quoi ça va parler. Oui. Quand j'ai entendu le nom, ça m'a, j'ai un peu commencé à inventer l'histoire. Et puis le prénom Jamaïque du pays, si je me trompe pas, et ben ça fait penser que en Jamaïque il y a beaucoup de belles musiques et c'est vrai, il y a plein de belles musiques. Absolument, voilà qui devrait faire plaisir à l'éditeur, comme quoi le titre n'est pas mal choisi du tout, même si c'est pas fidèle au titre original. La traductrice, Nathalie Carré. Guy, un dernier mot sur la Jamaïque ou sur Rivers of Babylon. Alors, est-ce qu'il nous reste assez de temps? Non, ça va faire trop juste. On vous parlera une prochaine fois de Maurice Ponce et du Passager de la Nuit. Et du reste, nous en reparlerons d'autant que là aussi, je le redis, c'est une forme de hasard objectif, d'une certaine façon, il y a encore question, en arrière-fond historique, de l'épisode colonial. En plus, on le découvre en faisant l'émission parce qu'on ne l'avait pas prévu au départ. Exactement, exactement. Alors, pour ça, je parle de hasard objectif, voilà. Pour terminer, oui, quelques dates. Informations sur la vie de la librairie, le Grain des Mots, voilà. À Montpellier, boulevard du Jeu-de-Paume. Absolument, voilà. Donc, le 15 novembre prochain, à partir de 19h, la librairie du Grain des Mots recevra Miguel Bonnefoy pour son dernier ouvrage intitulé « Sucre noir » aux éditions Rivage. Le 15 novembre, Miguel Bonnefoy. Le 30 novembre, c'est Yannick Hanel, alors qui est un auteur qui maintenant est connu. Il a une couverture médiatique importante. Ça n'empêche pas que ce soit un très bon livre. Yannick Hanel qui viendra nous parler de son dernier livre « Tiens ferme ta couronne » qui est édité chez Gallimard dans la collection « L'Infini ». Oui, c'est ça. Donc le 30 novembre, Yannick Hanel. Et le 14 novembre, je ne le donne que maintenant, ça n'est pas un ordre chronologique, vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est Kauter Adimi qui vient à la médiathèque Émile Zola, donc pas à la librairie, mais qui sera reçu par la médiathèque et par la libraire du Grain des Mots, Kauter Adimi, qui vient nous parler de Nos Richesses, le dernier livre qui est édité par les éditions du Seuil. 15 novembre, Miguel Bonnefoy, 30 novembre, Yannick Hanel, 14 novembre, à la médiathèque Émile Zola, Kauter Adimi. Voilà, ce sont les prochaines manifestations de notre librairie. Voilà, c'était donc les amis du Grain des Mots sur Radio Clapas 93.5. Aujourd'hui, autour de la table, Martha. Merci Martha. Guy. Oui, au revoir. Voilà, au revoir. Au revoir. Christian. Eh bien, au revoir à toutes et à tous, et à bientôt. Et Marc, et à la technique, Pierre-Jean. Et nous allons terminer sur une valse enfouie que nous devons à Jean-Michel Machado. Jean-Marie, j'ai noté que JM sur ma feuille, que je suis maladroit. Donc Jean-Marie Machado. Jean-Marie Machado, Ricardo Delfra à la contrebasse, Paolo Fresu, trompette, Jacques Mailleux à la batterie, Andy Shepard, saxophone, et l'album s'intitule tout simplement, mais très justement, Lyrisme. Valse enfouie.